Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Quand je suis pris pour aller chez l'oncle Cédric, je ne reconnais plus mon système métrique. Je pourrais peindre des chefs-d'œuvre cubiques. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Moi je passe Noël sur l'acide. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Puisqu'il faut bien aller chez tante Monique, qu'est-ce qui se passe? Je trouve les mononcles intelligents. Je ris de leurs blagues, même si elles sont plates, évidemment. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Moi je passe Noël sur l'acide. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Ça aide à mieux digérer le cirque. Je me surprends à faire comme la population, à faker la pamoison devant les décorations. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Moi je passe Noël sur l'acide. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. J'en perds même le nord magnétique. Je viens à penser comme tante Minou et à trouver là-dedans comme une magie. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Moi je passe Noël sur l'acide. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. C'est ce que ça prend pour endurer les cantiques. Au Saint-Enfant qui vient de naître, comme j'aimerais d'ici disparaître. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Moi je passe Noël sur l'acide. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Quand on me dit il faut que tu mastiques, je fais semblant de faire des mimiques, comme si j'étais piqué par un moustique. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Moi je passe Noël sur l'acide. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Chaque fois que ça me pique, vite une graque et que ça clique. J'aime mieux attendre dans le portique. Moi je passe Noël sur l'acide citrique. Moi je passe Noël sur l'acide.